La vérité. La vérité frappe aux portes, mais personne ne lui ouvre. Les gens ne veulent pas entendre la vérité. Alors, la vérité réfléchit et se demande : qu'est-ce que je peux faire pour que les gens m'écoutent ? Alors, il lui vient une idée : celle de se cacher et se déguiser en conte. Ainsi donc, elle alla frapper aux portes en disant aux gens qu'elle a un conte pour eux et en leur demandant si elle pouvait lui le raconter. Et la plupart des gens aiment beaucoup écouter des histoires.